sais pas, comme si cela pouvait suffire, les autres y pensent pour toi. Ne pas aggraver la lourdeur des choses, rester. Tissait parfois un voile sur son sourire. Peut-on porter autant d'étoiles et ne pas s'alourdir? Comment peux-tu être si léger? Comment peux-tu être si léger?